Le Flash Info. Studec Web, les infos. Le Flash Info, présenté par Arthur Vincent. Bonjour Arthur. Bonjour Morgane, bonjour à tous. À 4 jours de la manifestation nationale du 17 novembre, Christophe Castaner n'a pas masqué ses préoccupations concernant la libre circulation des personnes ce jour-là. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé qu'il n'y ait aucun blocage total. Il a ensuite annoncé partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité. Nous interviendrons, demandant également aux organisateurs de déclarer leur manifestation en préfecture. Pour rappel, de nombreux Français baptisés Gilets jaunes ont appelé à une journée de blocage des routes samedi pour protester contre la hausse du prix des carburants, dont l'ampleur reste encore difficile à mesurer. Il y a 3 ans, la France vivait une page des plus sombres de son histoire, faisant 130 morts et près de 500 blessés. Un hommage national a été rendu ce matin avec un cortège qui a relié les 6 lieux des attentats djihadistes. Ce parcours commémoratif a débuté au Stade de France pour finir au Bataclan. Pour la première fois, le président de la République n'a pas assisté à la cérémonie. Édouard Philippe, Anne Hidalgo et le maire de Londres étaient en revanche présents. Maggie Biskupski, policière à la brigade anticriminalité dans les Yvelines, a été retrouvée morte aujourd'hui à son domicile après un probable suicide. Cette jeune femme de 36 ans s'était fait connaître en fondant l'association Mobilisation des policiers en colère après la violente attaque au cocktail Molotov de 2 véhicules de police à Viry-Châtillon en 2016. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a réagi sur Twitter en déclarant qu'elle était le symbole d'une police à bout. Elle portait le combat de ceux qui nous protègent au quotidien, nous n'avons pas su la protéger. En Californie, l'incendie de Fort Hoy qui a fait rage dans le Nord a fait 44 morts, devenant ainsi le plus meurtrier de l'histoire de cet état. Des milliers de pompiers continuent de lutter contre les flammes. L'incendie était encore loin d'être contenu, mais sa surface a été réduite de 4500 hectares. Avec une température maximale de près de 20 degrés prévue dans la journée et pas une goutte de pluie attendue d'ici la fin du mois, le feu devrait encore persister. Stan Lee, le créateur d'Iron Man, Hulk, Spider-Man ou encore les Avengers, est décédé hier. Une disparition qui a particulièrement touché le monde du 7e art. Cette nuit, les hommages se sont multipliés pour dire un dernier au revoir à cette icône. Stan Lee avait 95 ans. Et puis la météo désormais avec du soleil sur la partie nord de la France, même si quelques gouttes de pluie sont à prévoir en fin d'après-midi sur la pointe nord du pays. Dans la partie sud, quelques nuages sont à prévoir sur la Côte d'Azur. Côté température, il fera 13 à Paris, 14 à Lyon, 20 à Marseille, 13 à Brest, 12 à Lille, 15 à Nantes et 11 à Besançon. C'est la fin de ce flash, je vous laisse en compagnie de Morgane et toute son équipe pour Borderline. Bonne journée sur Studec Web. Merci Arthur, prochain rendez-vous info à 15h30. Studec Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h-16h, c'est Borderline sur Studec Web. Salut tout le monde, si vous nous rejoignez sur Studec Web, bienvenue, il est l'heure de votre émission Borderline. On est ensemble jusqu'à 16h, moi c'est Morgane. Alors je ne serai pas seule à vous accompagner pendant une heure et pour vous donner une petite image, moi je suis juste la patronne et faut m'appeler chef. Okay, ah non, carrément. MDR. Non, je rigole. Enfin, pas pour toi Coco, tu peux m'appeler chef. D'accord. Si vous voulez nous voir, c'est très simple, nous sommes en live sur Dailymotion, peut-être que vous voulez savoir si le garçon à côté de moi, Coco, est beau ou simplement prétentieux. En tout cas, on m'avait promis Brad Pitt, hein, mais bon, j'ai le niveau d'en dessous, mais c'est pas grave. Je leur pardonne parce qu'il est plutôt drôle et c'est tout ce qui compte. Coco, salut Coco. Bah, salut, hein. Voilà, je suis la bas de gamme avec mon pantalon en plus clown aujourd'hui. Ouais, t'as décidé d'être habillé en pyjama. Ouais, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, je reviens avec le journal de la Désinfo, une nouvelle édition et on va parler musique. J'ai une info que personne n'a et je vous la file là tout à l'heure. L'expression Netflix and chill a été créée pour elle passe sa vie devant les séries Netflix. C'est Julie. Salut Julie. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils pour la vie de tous les jours et aussi je vais vous parler d'un film qui sort demain à surtout pas louper. Eh ben écoutez, on vous a prévu une émission bien remplie, une émission de ouf avec du rire, de l'info. Dans quelques minutes, je vous fais découvrir un artiste qui s'appelle Jordi. On aura bien évidemment les infos de Coco, ouais. Mais tout de suite, c'est le Saviez-vous avec Julie. Le saviez-vous ? Studec Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Alors Julie, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais devenir votre grand-mère en fait pendant 2 minutes. J'ai trouvé des petites astuces pour vous si je vous dis lac pour les cheveux et fleurs. Est-ce que déjà vous voyez un lien ou pas du tout ? Aucun. Alors, pas du tout. Aucun lien, non. Et bah alors ça va peut-être vous servir, mais si vous mettez un pchit, bon je sais pas comment on dit, de lac au bout des tiges de vos fleurs, vous laissez sécher quelques secondes et vous les remettez dans leur vase, et bah en fait ça va leur permettre de vivre plus longtemps. Et ça marche vraiment ça ? Ah oui. Et alors du coup les mecs, quand vous offrez des fleurs à votre copine, bah offrez-lui une lac en même temps, comme ça c'est deux pour le prix d'un. Et ça sera encore mieux, quoi. Les astuces de Julie. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. On reste dans le cheveu. Alors, vous allez peut-être me prendre pour une dingue, mais il y a un aliment dans votre frigo que vous pouvez utiliser comme masque pour les cheveux. Alors, à votre avis, c'est lequel ? Le guacamole. Non, mais pas du tout. Beaucoup plus commun. Moi, j'en ai aucune idée. Moi, j'achète le masque, mais je regarde pas ce que c'est, en fait. Mais en fait, vous pouvez utiliser votre mayonnaise, oui. Alors, vous en mettez sur la pointe de vos cheveux. Vous laissez poser comme un masque pendant 15 à 20 minutes. L'huile présente dans la mayonnaise va bien hydrater vos cheveux. Vous rincez après, hein, et puis vous faites bien deux shampoings quand même pour éviter les mauvaises odeurs. Bah c'est pour ça qu'on dit mayonnaise ton. Ok, c'est un flop. Dernière astuce du jour, si vous êtes en retard et que votre t-shirt ou votre chemise est froissée, bah en fait, vous pouvez utiliser votre fer à lisser. Voilà, au lieu de vous essayer de sortir le fer à repasser, la table, c'est chiant en fait. Ouais, j'ai entendu ça. Il paraît que ouais. On peut utiliser le fer à lisser pour justement défroisser nos vêtements. Ouais, en fait, c'est même plus simple de repasser certaines zones de vos vêtements avec un lisseur pour les petits endroits délicats, tout ça. Donc moi, j'ai essayé et ça marche vraiment, c'est top. Merci Julie. Avant de retrouver le sondage du jour, voici DJ Snake avec Taki Taki sur Studek Web. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. And tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry. My nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a wizard boy, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I feel the high flows. DJ Snake sur Studek Web. Je ne sais pas vous, les gars, mais moi, je kiffe. Mais alors, grave ce titre. Ah, moi aussi, j'adore. Ça, ça donne envie de danser et tout. Ça, ouais. Je suis fan, complètement fan. Nous ne sommes pas encore à l'approche de la Saint-Valentin. Pourtant, c'est un sujet qui touche tout le monde, tous les jours. On va parler d'amour et plus précisément de... Merci, les gars. Je vois que vous suivez. Ça, je suis pas plaisir. Au courant. La surprise. Non, bah, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Alors pas du tout, mais pas du tout. Impossible, j'y crois pas du tout. Je crois pas une seconde. Non, y a pas de coup de foudre, ça existe pas. Ça, on n'est pas Notting Hill, hein. y a pas de coup de foudre chez nous. Alors moi pour le coup j'y crois. Ouais. Bah, quand tu rencontres quelqu'un par hasard, dans la rue. Où dans la rue? Dans la rue, à dans Paris. Un bar. À l'école, où tu veux, tu vois cette personne et t'es complètement in love quoi. Non, moi je suis d'accord. Ça peut arriver. Non. Bah tu vois, moi pour une fois je suis d'accord avec Coco, je suis rarement d'accord avec lui. mais faut avouer que le coup de foudre ça existe pas. En fait, mais bien sûr que si. Mais non, mais Julie, ça veut dire qu'en fait tu tombes amoureuse de quelqu'un par son physique et pas par. Enfin, je sais pas, moi c'est ce que je crois. Non, et le coup de foudre dans les films il est sympa, tu vois. Ouais. T'as à Paris, oui, tout ça, il y a un petit taxi qui se passe. En la réalité, quand t'es à Paname, franchement t'es à Barbès, ça mon pote, ça pue la pisse. Et que là il y a tous les taxis qui klaxonnent et que tu rencontres une meuf grave belle. Ah là, c'est qu'il stoppe, désolé. Ouais, bon, c'est pas faux, mais bon. Moi, bon, Coco, je vois que t'es chaud, là. Je suis sûre que t'es prêt pour le journal de la désinfo. Exactement. En plus, on va parler pognon, là, pour se débuter ce journal. Donc, ça va intéresser tout le monde, j'en suis sûr. Ah bah, oui, bien sûr. Parlons pognon, là, c'est parti. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un Américain, récemment, qui a remporté la super cagnotte d'1,4 milliard d'euros au loto. Waouh. Quel chanceux, le mec, hein. Ah oui, chanceux. C'est le seul homme sur cette terre qui pourra se payer un iPhone X, un sandwich au wagon-bar du TGV et un plein d'essence dans la même semaine. Ça, vous êtes sûrement en période d'adaptation en ce moment, les filles, hein, c'est normal. Parce qu'on adaptation. A vécu un... Oui, d'adaptation, parce qu'on a vécu un changement d'heure. Ah oui, c'est vrai, d'accord. C'était il y a deux semaines, on est passé de l'horaire d'hiver, de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver. Et au passage, c'est la seule promesse de changement que notre gouvernement a tenue. Oui, bien vu ça. Dimanche, on a fêté l'armistice et nos journaux titraient 100 ans d'amitié franco-allemande. Ah oui, il est vrai que là, les vacances en 39-45 avec tonton Adolphe, ça reste de très bons moments d'amitié, bien sûr. Hein. Non, et moi je rigole sur ça, n'importe quoi. On peut rigoler. Quoi. Et on reste toujours dans l'armistice, dans le thème, hein, vous avez compris, bien sûr. Hein, vous... Sérieusement, durant la cérémonie au mémorial de Rétondès, samedi dernier, il y a une centenaire qui a salué la première dame Brigitte Macron en la prenant pour Angela Merkel. Elle les a confondus, hein. En même temps, on va pas lui jeter la pierre, la pauvre. On va pas lui jeter la pierre. Elles ont toutes les deux un point commun. Lequel? La ménopause, bien sûr. Oh, est-ce que vous avez fêté Halloween, les filles? Ouais, moi j'ai fêté donc Halloween. Donc je suis un peu en retard sur l'info, hein, parce que c'était Halloween, oui, c'était bien sûr le 31. Quelques semaines. Mais je me suis rendu compte d'une info qui est tombée sur les journaux américains. Donc c'est une info à propos d'Halloween. Il y a un voisin d'un village, un peu à la Desperate Housewives, qui aurait imbibé des bonbons avec du laxatif. Quoi? Bah, très bonne idée. Il a imbibé les bonbons de laxatif. En même temps, si les gamins ils kiffent tellement avoir peur, pour le coup, ils vont bien chier dessus. Non, il est fort quand même. On laisse place à présent à Neta avec Toy. C'est la grande gagnante de l'Eurovision, puisque Studek Web, ce n'est pas que de la rigolade, de l'info, c'est surtout de la musique, encore et encore. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome, boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum pow, pum pum pow. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, hey, hey, hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine and he's about to regret. He's a buck up nothing but buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck. Go on the block, shit. Go, go, go, go, go. Wedding bells ringing. Go, go, go, go, go. My are divine and he's about to regret. He's a buck up, buck up, buck up, buck up. Votre radio, bienvenue, vous pouvez nous regarder sur Dailymotion. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Et puis, je trouve qu'on est plutôt beau, vous en pensez quoi? On est beau gosse, oui, il faut le vous dire. Vous êtes beau. Hein. Bah, pour oui, moi, merci. Pas toi, parce que bon, bah, t'es habillé en pyjama, t'aurais pu faire un effort. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Le rap français ressemble au cinéma français, toujours les mêmes têtes, tout le temps, partout. Pourtant, le monde est rempli de talents sous-médiatisés dans des styles extrêmement différents. Du coup, je vais vous parler d'un rappeur français, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Jordi. Vous connaissez ? Pas du tout. Moi non plus, je connais D'accord. pas. D'accord, c'est un rappeur, chanteur et beatmaker. Il évolue sous une douzaine de pseudonymes et différents, en multipliant les ambiances toutes étranges les unes que les autres. Si on devait décrire son univers musical, on dirait qu'il est plutôt burlesque, mélancolique, tourmenté. Donc, il parle d'un tableau d'un rappeur là. D'un rappeur, mais c'est un rappeur très triste. Même si sa cote de popularité stagne, il a tout de même sorti quelques titres, qui ont plutôt bien marché, comme son nouveau single Rolling Stones. T'échangerais pour rien au monde. T'es la seule sur des millions. Ou encore Coléorythme. Où est ton argenterie? Je trouve qu'il a un air Orelsan dans sa voix, non? Ah non, PNL, moi je trouve. Ah, PNL aussi, mais Orelsan, c'est, ouais, c'est un peu le même style. Le rappeur prend plaisir à perdre son public en sortant des titres complètement barrés. En fait, il est barré. Et en fait, il illustre ses sons par des clips qui montrent un semblant de normalité. Le titre Inversion. C'est un très bon exemple sorti en début d'année et c'est sûrement le morceau que l'on pourrait qualifier de bizarre. Comment on dit? De Iverson. Inversion. Inversion. C'est très bizarre. Et malgré cette sous-médiatisation, l'artiste ne se laisse pas abattre. Il compte bien sortir deux nouveaux titres qui lui ressemblent et... et même s'il divise. Et du coup, bah, moi je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi je suis plutôt une fille qui aime les musiques à texte. Vous aimez bien ou pas? Ouais, moi j'aime bien aussi, c'est vrai. Moi je comprends pas trop le texte là. Ah oui, là c'est vrai, on comprend rien. Celui-là trop, on comprend rien. Mais les paroles, autres, c'est bien. Ouais. Ouais. Ça ressemble un peu à, comme disait tout à l'heure Julie, à du Orelsan. Moi perso, je suis à donf sur Balavoine. Voilà, c'est comme ça. Rien à voir. Voilà, merci Coco pour cette petite anecdote. Si vous ne connaissez pas, je vous propose d'aller voir ses clips sur sa page YouTube Jordi. On va vous mettre le lien sur notre page officielle et puis pourquoi pas découvrir tout son album. Il est 15h17 et surtout, il est l'heure de jouer. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. On va jouer, mais on va jouer à quoi? Au poupées russes. Je vois que vous suivez. Alors, je vous explique rapidement les règles. L'un d'entre vous va affronter un membre de l'équipe. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir de qui. Donc, soit Coco, qui est plutôt... Foot. Aujourd'hui, foot. Ouais. Et Julie? Moi, c'est plutôt musique. Musique. Alors, vous faites votre choix. C'est vous qui décidez. Et vous jouez avec eux. Et à la clé, vous remportez un pack Studek Web. Oh, autant chance. Vous dire qu'il y a plein de cadeaux. Et moi, je rêve de la voir. Inscrivez-vous vite sur le Facebook de Studek Web pour participer. Et avant de jouer avec l'un d'entre vous, on prendra un auditeur à l'antenne pour le sondage qui est, je le rappelle, croyez-vous au coup de foudre ? Continuez de répondre sur Instagram. D'ailleurs, on en est où, Julie, là, au niveau Alors, je te dis ça tout de suite, on a du sondage. Ah bah, 57% croient au coup de foudre. Et ouais. D'accord, donc les gens et 43 croient qui croient pas. C'est donc, dégueulasse. En fait, c'est dégueulasse. Gens, non, ils sont rationnels. Les gens sont naïfs, oui. Pas du tout. On écoutera Imagine Dragon, Patrick Bruel en duo avec Soprano et Thérapie Taxi. Je kiffe ça. Moi aussi j'adore, je suis fan. Bon après-midi avec Studek Web. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Oh, mais j'ai jamais le droit aussi. Tonton Moït, réunis sur une seule radio. Studek Web, 100% nouveaux talents. N'est pas le seul, fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease. J'arrive dans la pièce, t'es en susu. Ta meuf est trop bonne et j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques, t'es en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe, hôtel et chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. Ta meuf est trop douce, je veux son nectar. Je sentis la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. La gourmandise se voit dans ses deux yeux. Elle passe encore une main dans ses cheveux. Tu parles encore de toi, tu la saoules. Tu peux dire adieu à son boule. N'est pas le seul, fais-moi la bise. Ce soir c'est sûr, elle est conquise. Ma bouche à six lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. J'arrive dans la pièce, tu l'as perdu. J'étais dans la chambre et t'as rien vu. Puis j'ai vu ta goutte toute fraîche. Capter le balancement de ses fesses. Ta meuf sera ma queen pour une nuit. Je vais la gâter fort dans le lit. Comme une aventure où t'es pas là. Comme un plan à trois un peu sans toi. Ta meuf est trop douce, je veux son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. J'enlève sa culotte avant l'excès. Elle est déjà trempée, elle a pris pied. On t'a encore perdu dans la foule. Si tu l'entends crier, c'est qu'elle mouille. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle s'amuse, c'est sûr, tout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras. Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voix. A deux, l'amour se fera sans toi. A deux, ta zouze salira les draps. A deux, l'amour se fera sans toi. A deux, ta zouze salira les draps. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. Thérapie Taxi avec ta zouze sur Studek Web. D'ailleurs, est-ce que vous saviez ils vont sortir un nouvel album ? Non, je savais pas du tout, moi. Moi, j'ai trop hâte, je suis trop fan. Mais t'as les infos avant nous, j'ai l'impression. Bah ouais, parce que moi, je suis l'actualité, monsieur Coco. Ah, Morgane, bravo. Première sur les infos. C'est ça. Il y a quelques minutes, nous avons lancé un sondage sur Instagram. La question était, croyez-vous au coup de foudre ? Et Julie m'a dit que les auditeurs croyaient au coup de foudre. Oui, donc, bien sûr. Donc, tous les gens sont naïfs. Pardon, excusez-moi. Alors, on a un auditeur en ligne qui va nous donner son avis. Salut Nassim, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors Nassim, t'as 23 ans et tu viens de Nanterre. C'est et ça. Tu es cuisinier, c'est ça, ça? C'est ça. Alors dis-moi Nassim, est-ce que tu crois au coup de foudre? Franchement, moi j'y crois au coup de foudre, mais je me dis que c'est pas un truc qui dure longtemps. Enfin, c'est un truc passager, ouais. Il est en tout début. Et après, ça part vite, ça peut même, des fois, on peut même être déçu, carrément. Ouais. Je pense que moi ça existe, mais voilà, c'est pas un truc, ça arrive pas tout le temps, c'est un truc qui arrive vraiment très rarement. Mais pour moi, ça existe. Mais dis-moi, Nassim, est-ce que tu serais pas d'accord avec moi? Le coup de foudre, en fait, c'est quelque chose d'assez physique. On est d'accord, c'est pas quelque chose de psychologique. En fait, c'est la première chose que tu vois. En fait, c'est oui, bah dans un physique. Premier temps, oui, mais après tu t'accroches à quelqu'un. Oui, mais Julie, son mental. Non, moi oui, je mais pense Julie, tu peux pas dire c'est un coup de foot si tu te rends compte que la personne est complètement conne au bout de deux jours. Non, mais un coup de foot, c'est sur l'instant. Après, est-ce qu'il se prolonge pas? Moi, je pas, pense que si j'écoute Nassim, il a dit que ça venait, ça repartait, c'est ça. Donc si on traduit, Nassim, ça veut dire que le coup de foudre, c'est comme une chanson de Claude François. Ça s'en va, ça rien. Mais du coup, Nassim, est-ce que t'as déjà connu une histoire au coup de foudre? Oui, moi j'ai déjà connu ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est vraiment un truc passager. Ouais. Voilà, c'est vraiment comme t'as dit, c'est au tout début. Après, voilà, tu te rends compte de la personne. Après, ça disparaît, ça devient soit de l'amour, soit tu t'en fous et tu pars. Bon, en tout cas, écoutez, je suis amoureux de toi, Nassim. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai un avis. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une croyance générationnelle. Non. C'est-à-dire que, en fait, plus on est jeune, plus on croit au coup de foudre. Parce que, justement, on n'a pas vécu beaucoup d'histoires d'amour. Et du coup, enfin, je sais pas. Vous c'est une croyance spirituelle générationnelle. Bienvenue dans l'émission Moine Bouddhiste. Non, mais ça veut dire que plus on est jeune, plus on croit au coup de foudre. Je sais pas. Si maintenant, vrai, il y a les réseaux sociaux, on parle plus sur les réseaux. Ouais, je sais pas. Ouais. Merci Nassim, on se retrouve bientôt. Tu nous rappelles quand tu veux. Pas de soucis. Allez, bisous Nassim. Bisous. Prochain sondage, c'est demain. N'hésitez pas à réagir sur l'émission, sur tous nos réseaux sociaux, avec le hashtag StudecWeb ou tout simplement sur nos pages officielles. Nous ne sommes pas journalistes et pourtant nous aussi nous avons des infos à communiquer. Je me retourne vers Coco parce qu'il a l'air plutôt fier de sa news. Enfin, je crois. Bon, après, je suis toujours fier de mes news. Après, on se dit tout, il est toujours fier de tout. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai souvent des nouvelles, mais c'est jamais des grosses nouvelles. Ouais. Tu vois ? Là, par exemple, je suis tombé sur un petit garçon, il a 5 ans, il s'appelle Sam, c'est un Américain. Et en fait, il est rentré chez lui, il dit papa, maman, en pleurant, les enfants, ils se moquent de moi à l'école. Et en fait, on comprend mieux pourquoi maintenant. Bah, on comprend mieux pourquoi. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais on comprend mieux pourquoi maintenant les garçons se moquent un petit peu de lui, ce petit Sam. Parce qu'en fait, il adore se vernir les ongles. Oh, bah et il se met du vernis sur les ongles. Ouais, j'ai une photo. Bon. Je vous la montre, je vous la fais tourner à vous. En fait, c'est un petit garçon Sam avec le sourire, il lui manque des dents. Il a du vernis rouge sur les ongles. Souris est passée. Mais il a le droit de se mettre du vernis. Bah oui, non, mais oui, bien sûr, il a le droit, mais les garçons se moquent de lui, donc je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon. Après, le pauvre, bien sûr, c'est du harcèlement, donc faut faire attention à tout ça. Oui, c'est moyen. Ouais, mais bon, c'est pas sympa de se moquer de lui juste parce qu'il a du vernis. Julie, t'as une petite news là? Ouais, alors moi j'ai appris que le premier film Pokémon va sortir en 2019. Ça va s'appeler Détective Pikachu. Moi je suis trop contente. Détective parce que... Pikachu? Oui, oui, moi je suis trop contente parce que je regardais tous les dessins mais animés. Je crois que j'ai vu la bande-annonce. Voilà, et là il y a film qui est sorti. C'est Warner qui a publié la bande-annonce sur Twitter. Bah, moi forcément je me suis empressée de retweeter. J'ai même cité le tweet avec des cœurs dans les yeux tellement je suis fan. Et t'ont retweeté aussi. Hein. Bah, la Ressa, Julie nous a tweeté. Mais il me semble qu'il n'y a pas Sacha par contre. Bah non, du coup, il n'y a pas Sacha. Ouais, mais bon, il y a le petit Pikachu, je l'adore. Et du coup, dans le film, les Pokémon parlent. Et en fait, Pikachu, il sera un petit détective qui va devenir ami avec un humain. Et tous les deux, ils vont essayer de retrouver le père de cet humain qui est disparu. Franchement, ça s'annonce trop chou. Moi, j'ai trop hâte. Bah écoutez, moi aussi, j'ai une petite info. Je sais pas si vous connaissez les youtubeurs de Smarter Joke sur Off Paris sur YouTube. Pas du tout. Et bah en fait, eux, ils ont décidé de faire une raclette qu'ils ont filmée. Ils ont, filmé, ils ont fait métro, une raclette dans le métro. Et j'ai trouvé que la vidéo, elle a à mourir de rire. Mais il y a les agents de la RATP qui sont venus. Ouais, ah, vous faites quoi? Ils les gars, arrêtés. Ils ont fait non, reste nous, on mange notre raclette, je te jure, c'est vrai. Continuez de vous inscrire sur Facebook pour tenter de remporter un pack Studec Web. Et dedans, vous y trouvez des tas de cadeaux, une casquette, une trousse, des stylos. Et surtout, vous aurez la chance de venir visiter nos studios. Et même moi, je rêve de l'avoir ce pack. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques minutes. Bonne chance. Dans un instant, le retour des infos, les sorties ciné avec Julie et des hits avec le groupe qui cartonne Imagine Dragons. Et également Patrick Fiori et Soprano. On faisait le tour de la terre à chaque étage solidaire. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Studec Web. Tous les jours, de 16h à 17h, retrouvez Mehdi et Alice dans leur média pour une émission 100% média et info. Ils retraceront l'actualité en détail pour vous. Aujourd'hui, ils vous parleront d'une émission qui a 41 ans d'RTN. Rendez-vous compte, ne ratez pas non plus le débat spécial foot. Je vous en dis pas plus, vous saurez tout à l'heure. C'est à partir de 16h sur Studek Web, alors soyez au rendez-vous. Studek Web, il est 15h30. Studek Web, les infos. Eladji Kouat est avec nous pour le Flash Info. Bonjour Eladji. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Une météo plus agréable aujourd'hui avec du soleil au fil de la journée sur la plupart des régions. Des nuages présents de l'Occitanie du sud à la province. 14 degrés l'après-midi sur Paris, 15 pour Lyon et Bordeaux, 20 pour Marseille. 3 ans après, un hommage national a été rendu ce matin à Paris pour les victimes des attaques du 13 novembre 2015. Le cortège a relié les 6 lieux des attentats commis ce jour-là. 130 morts et près de 500 blessés et 11 terroristes présumés mis en examen. Un procès pourrait avoir lieu en 2020 ou en 2021. Michel Fourniret va comparaître dans la journée aux assises de Versailles dans les Yvelines, aux côtés de son ex-épouse Monique Olivier. Le tueur en série est jugé pour l'assassinat de la femme d'un ancien co-détenu en 88, un crime qui avait été produit pour s'emparer à l'époque du trésor du gang des Potiches. Le parquet national financier demande un procès pour favoritisme à l'encontre de Claude Guéant, Patrick Buisson et d'anciens proches de Nicolas Sarkozy. L'affaire porte sur des sondages menés par l'Élysée entre 2007 et 2012. Dans 4 jours, la mobilisation des gilets jaunes à travers tout le pays. L'État tente de calmer la colère des automobilistes et devrait être prêt à annoncer des mesures de soutien pour le pouvoir d'achat. Pour l'heure, 1600 blocages sont annoncés sur le territoire. D'ailleurs, sachez que la circulation des véhicules diesel de plus de 18 ans et essence de plus de 21 ans sera interdite dans Paris à partir du mois de juillet. Bilan dramatique aux USA dans l'incendie dans la forêt qui fait rage en Californie. On comptait ce matin 42 morts et 200 disparus. La ville de Paradise a complètement disparu. Mort de Stan Lee, le créateur de Spider-Man et de X-Men. Il est décédé hier soir à 95 ans à Los Angeles. Elle était la présidente de l'association des mobilisations des policiers en colère, mais au lendemain de l'attaque des policiers à Vitry, en 2016, Maggie Buski s'est suicidée hier à son domicile avec son arme de service. Elle est âgée de 36 ans. La Russie n'arrivera pas à la délégation du Forum économique mondial de Davos si des hommes d'affaires russes en sont écartés, comme l'indiquent des informations de presse avant mardi 1er, Dimitri Medvedev. Merci Eladji. Prochain point sur les infos à 16h. C'est Borderline sur Studek Web. Vous écoutez Borderline, l'émission 100% détente. Je suis toujours en compagnie de Julie et Coco. Ouais. Alors on vous accompagne tous les trois jusqu'à 16h. Maman, c'était très mignon Julie. Restez bien avec nous puisque tout à l'heure en fin d'émission, comme chaque jour, vous allez découvrir des doses sur nous. Vrai ou pas, vous saurez tout dans quelques minutes. Continuez de vous inscrire pour le jeu des poupées russes. Coco a choisi le thème. Foot et Julie Moi, c'est la musique. C'est à vous de choisir, il ne vous reste plus que quelques minutes. Et dans un instant, Coco nous parlera musique et plus précisément de rap. Alors si vous adorez le rap, arrêtez tout. Julie nous fera un petit récap des films à aller voir au ciné. En attendant, voici Patrick Fiori et Soprano sur Studek Web. Vous là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, la smala? Mettez-vous par là. Territale et toi, malien, vous serez voisins. Un jour on s'est posé là. Vous, toi, la coincée, t'es toi. Pas de charabia, c'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac. Deux boutiques ici, et c'est là qu'on a grandi. On avait traversé les mers, on avait tout laissé. Solidaire, c'est ici qu'ont poussé nos ailes. Patrick Fury sur Studek Web Soprano qui a plutôt bien marché au NMA samedi dernier. Enfin, vous avez regardé. Je sais qu'il y a eu un petit souci en fait. Quand ils ont annoncé que Soprano avait gagné, ils ont lancé une musique de Dadju. Alors là, ça craint quand même. Nikos, il a dit quoi? Nakaya Namura. Yakaman Makamura. Quand il a dit ça. Vous vous demandez sûrement ce que vous pourriez faire demain. Eh bien écoutez, pourquoi pas aller au ciné? Et puis vous avez de la chance, Julie est là et elle va tout nous dire sur les sorties de demain. Elle est belle, Julie. Ok, merci. Mais qui fait flipper, tu sais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui sort demain au ciné. Alors en fait, il faut surtout pas le louper, les gars. C'est Les Animaux Fantastiques 2. Vous connaissez ou pas? Ah ouais, je kiffe. J'ai trop aimé le 1. Ouais, bah justement, en fait, si vous êtes fan de l'univers d'Harry Potter, vous allez kiffer. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'histoire des Animaux Fantastiques, ça se passe 65 ans avant Harry Potter. Voilà. Petit rappel du premier volet, ça se passe à New York en 1926. Le monde des sorciers est en danger puisque le redoutable sorcier Grindelwald, j'espère que je le dis bien, a disparu. Et c'est à ce moment-là en fait que le héros du film, Norbert Dragono, débarque. Alors lui, il rentre tranquillement de son périple à travers le monde avec sa petite valise remplie de créatures fantastiques. Mais malheureusement, un New-Yorkais qui n'a pas de pouvoir lui, donc un moldu pour les fans de Harry Potter. Mais dans le premier, il est déjà ce moldu, hein. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Oui, et en fait, son pote. Il libère certaines créatures sans le faire exprès, donc voilà, dans les rues de New York. Et bien sûr, comme la valise est à Norbert, c'est lui qui est accusé à tort, forcément. Il est accusé d'ailleurs de violation manifeste du code international du secret magique, donc toujours plus long. Hein. Du coup, Norbert et ses potes essayent de retrouver les créatures et en même temps, ils vont essayer de capturer le méchant Grindelwald. En ce qui concerne le deuxième volet qui sort demain, écoutez bien, alors, ça se passe. Je crois, si je me trompe pas, il y a Dumbledore gêne dans le 2. C'est ça? Je me trompe pas. C'est ça. Attends, on y vient. Ouais. Du coup, ça se passe un an après, en 1927. Le méchant sorcier Grindelwald est toujours là, il est coriace. Hein. Il veut dominer le monde des sorciers en faisant la guerre aux non-sorciers, en fait. Donc, ouais. Les moldus, on le redit. Le seul qui peut potentiellement l'arrêter, c'est Dumbledore, justement. Vous savez, c'est le grand sorcier super gentil d'Harry Potter, là, avec ses cheveux, sa longue barbe blanche. Et il est joué... Pour comparaison, c'est un peu notre père Fouras à nous. Ah, j'ai eu bon en plus, j'en t'ai signé. Dumbledore va demander un coup de main à Norbert et forcément, plein de choses vont se mettre à travers de son chemin. Je vous en dis pas plus, je vous passe un petit extrait de la bande-annonce. Les mondes des sorciers et des non-sorciers vivent en paix depuis plus d'un siècle. Grindelwald veut détruire cette paix. Et vous voulez que je le pourchasse? Pour le tuer. Alors là, gros suspense. C'est beau, ça. Et moi, j'ai eu de la chance de le voir en avant-première au Grand Rex. Alors foncez, il est super cool, vous serez pas déçus. En plus, je crois que Dumbledore, il est joué par Jude Law. Tu sais, c'est celui qui a joué aussi dans Sherlock Holmes, qui faisait Dr. Watson. Peut-être, j'ai plus de culture que toi. Il n'y a pas Johnny Depp aussi, non? Si, il y a Johnny Depp, justement, c'est le méchant. Ah. C'est ça. Johnny Depp, je l'adore. Et bah écoute, merci Julie. Et vous savez quoi, les gars? On est mardi. Et qui dit mardi, dit... Bon ok, va falloir un peu réviser. Hein. C'est l'instant urbain avec Coco. Ah la connaissez, c'est moi bien. Ce que je me rends compte, c'est que l'État nous manipule. C'est cela, oui. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il a raison, hein. C'est urbain, mais il faut pas pousser. Studek Web, l'instant urbain. Yes, tous les magazines ce matin, du moins les sites internet aussi musicaux, ce matin, Orelsan annonce la sortie d'un nouvel album de 11 titres jeudi. Donc jeudi, tenez-vous prêts parce qu'il y a un gros truc qui va sortir. What? Alors, il nous a expliqué un petit peu ce que c'était, c'est pas vraiment un nouvel album, c'est tout simplement, si vous voulez, un épilogue. En fait, je vous explique. Son excellent dernier album, La Fête est finie, vient à peine de souffler sa première bougie qu'Orelsan annonce un nouvel album. Il s'agira ainsi, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, de 11 nouvelles chansons qui s'écrit comme un épilogue à La Fête est finie. Voilà, d'accord. C'est juste une réédition, soit. Alors ces 11 nouvelles chansons, elles seront intégrées à son nouvel album. Tournée des Zénith bien sûr, 17 novembre à Bordeaux, 20 novembre à Lille, 22 novembre à Caen, 23 novembre au Mans, et etc. Qui s'achèvera par deux concerts à Paris, Bercy, à l'Accor Hotel Arena les 5 et 6 septembre. Et à l'heure où je vous parle, il reste encore des places pour la date. Hein, donc, tu peux pas nous en prendre, ça coûte cher, je vais pas payer Internet. Oh là là. Très discrète ça, bien sûr concernant cette sortie surprise, nous on a quand même lâché que parmi les 11 titres figurerait la chanson « Mes grands-parents ». Avec un sample de la chanteuse Colette Mani. Vous savez, cette chanteuse a succès des années 60. Nous vivons ensemble, on est un étoile. Et tout ça sortira bien sûr jeudi. Hein. Colette Mani nous a quittés en 1993. Chanteuse préférée de mon grand-père. Il y avait des cassettes avec celle de Tino Rossi à côté. Je vous jure, c'est vrai. Bref, pour l'occasion, on va retracer un petit peu la vie du minable du RAM français. Hein. Orelsan, en réalité, c'est Aurélien Cotentin. Alors Aurel pour Aurélien et San parce que ça veut dire monsieur en japonais et le Japon bien sûr qui reste un univers marquant pour notre cher rappeur originaire de Normandie. Je viens te chanter. Mais non Lucas. Les techniciens font n'importe quoi. Rien à voir avec la Normandie, lui, c'est Gérard Lenormand. Rien à voir, rien à voir. Bon, bref, notre Orelsan, il a grandi dans un foyer correct. Il obtient rapidement des diplômes comme son bac ES ou encore une licence en management. Alors, lui, il est bien loin du stéréotype du rappeur de cité, vous savez, un peu de bad boy qui exprime sa haine. Hein. Rien à voir avec tout ça. Pour lui, la musique débarque en 2002 avec des mixtapes de rap. Il fait ça avec une copine, mais c'est en 2009 seulement que le rappeur se fait connaître du grand public avec son premier album, Perdu d'avance. J'écoutais ça illégalement, moi, à l'époque. Ah ouais ? Ouais, sur YouTube. Un petit thug. Ouais, c'est ça, c'était le petit thug du quartier. Bon, bref, son premier album fait du bruit dans le paysage musical français. Il est nommé au concours des révélations françaises du prix Constantin et en même temps il est élu par les internautes comme étant le meilleur artiste français de l'année pour représenter la France au MTV Europe Music Award. Je vous parle de ça en 2009. Tout commence bien pour lui et c'est en 2011, 3 ans après, qu'on le retrouve avec le Chant des Sirènes. Ma moitié va encore devoir me partager. Donc bien sûr, Chant des Sirènes, c'est l'album et ce titre là c'est un extrait, pour moi c'était le meilleur de son album, c'est Double Vie. Rien à voir, si on s'est trompé, c'est pas le bon son. Non, non, on était sur le bon son, rien à voir, c'était pas la peine de le mettre pour maintenant. Consécration, le rappeur normand fait la une du numéro 16 du magazine international Hip Hop, la référence un peu de la presse rap en France. Un mois après sa sortie, jour pour jour, le Chant des Sirènes devient disque d'or. Et c'est en 2012, Orelsan remporte 2 victoires de la musique, l'une dans la catégorie album rap et musique urbaine de l'année. Orelsan, ça rime avec succès et ça continue parce qu'Aurélien, il revient une dernière fois en 2017 avec La Fête est finie, l'album que je vous parlais, et des tubes comme Défaite de famille. C'est un titre qui met en scène un repas de famille dans lequel il décortique le côté sombre de chaque individu de son entourage. Vous savez, le tonton un peu alcoolisé. C'est super à bien la fait fin en plus. C'est super bien fait, il snap et tout, c'est excellent. C'est à aller voir bien sûr sur sa page YouTube. Ou encore La Pluie en featuring avec Stromae. Et bien sûr, le titre phare de son dernier album, c'est Basique. C'est la raison pour laquelle sa réédition de La Fête est finie fait du bruit. Les fans de rap n'attendent que ça. Et bien sûr, laissez-moi tout simplement vous laisser avec Orelsan, ce Eminem du rap français, qui débarque là à l'instant sur Studekweb dans l'émission Borderline avec l'un de ses pubs au titre. C'est sorti en 2012. La Terre est ronde sur Studekweb. Au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur, la terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime, je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. La terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Orelsan avec La Terre est ronde sur Studekweb. J'en suis fan, ce mec-là, ouais, il me ravit. Et jeudi, je serai le premier à récupérer son nouvel album. En fin d'émission, ne manquez pas le serment d'hypocrite. Vous serez tout sur nous, vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Aujourd'hui à 17h, Steph, Pat et Bilal vous raccompagnent à la maison dans le GPS. Au programme, vos rendez-vous préférés. Plein phare, Vinyl Story, la boîte à gants, sans oublier le grand jeu de la marche arrière avec toujours plus de cadeaux à la clé. Excusez-moi, c'est la voiture de James Bond, c'est la vraie? À l'heure de l'afterwork, attachez vos ceintures direction le boulevard du rire dans le Grand Prime Studekweb. Dans moins de 5 minutes, le jeu des poupées russes sur Studekweb. Will you hold the line? them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Imagine Dragons sur StudecWeb. Ça y est, le temps d'attente est terminé. Il est l'heure de jouer pour tenter de remporter le pack StudecWeb. On joue au jeu des poupées russes sur StudecWeb. Et pour jouer avec nous aujourd'hui, c'est Pierre. Salut Pierre. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Pierre, salut. Pierre qui a 22 ans et qui vient de Boulogne. C'est ça, je viens de Boulogne, ouais, c'est ça. Attends, alors, lequel Pierre. De Boulogne, lequel Boulogne-Paris. Ah oui, bah, d'accord, oui. Boulogne-Paris, parce qu'il y a Boulogne-sur-Mer aussi. Ah ouais, bah, ouais. Oui. Bah oui, je suis nulle en géo, moi je pensais à Paris tout de suite. Alors, est-ce que tu es prêt à jouer avec nous Pierre? Ouais, je suis complètement prêt. Alors, est-ce que tu as déjà une idée de qui tu vas choisir? Bah, étant fan de Coco, franchement, je vais choisir Coco. Je sais pas trop comment le battre. Alors, Coco, je te laisse avec notre éditeur. Moi aussi, je suis fan de toi, Pierrot, en fait. Ok, donc Pierrot, je peux t'appeler Pierrot, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas du tout, venant pas. Mon ami Pierrot. Ok, je vais pas te demander de te prêter ta plume, mais tout simplement, Pierrot, on va jouer foot tous les deux. Je vais te demander en 40 secondes, s'il te plaît, de me donner un maximum de joueurs de l'équipe de France 1998 qui ont gagné la Coupe du Monde. Attention, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Il y a Lama, le gardien, il y a Barthez. Ouais. Il y a Zidane. Ouais. Il y a Thierry Henry. Ouais. Emmanuel Petit. Ouais. Laurent Blanc. Ouais. Le Boeuf. Ouais. Didier Deschamps. C'est bon ça? Et après, je sais pas, j'en ai plus. Djorkaeff. Ouais. Il est calé, hein. Ah non, mais j'en ai plus. Il t'en reste un, il t'en reste un. Tu m'en as donné 9, il t'en reste plus qu'un. Allez, Pierre. De Sailly. Ok, comment il s'appelait? C'est quoi son prénom? Son prénom? Marcel, c'est Sailly! Félicitations, Pierre, tu remportes. remporte ton pack Studek Web. Ah, je suis grave content là. Mais il en restait plein en plus, il y en restait plein. Il y avait Alain Bogossian, il y avait Christian Carambeu, il y avait Guivarch, il y avait Diomède, il y avait Trezeguet, Dugarry bien sûr. Et en gardien, tu m'en as cité deux, tu m'as cité Lama et Barthez qui étaient gardiens bien sûr de West Ham et de Monaco. Mais t'as oublié celui de la GIA, Lionel Charbonnier bien sûr. Ah ouais, non, j'ai dit ça comme si ça coulait de source, alors moi j'en ai aucune idée. Ah, moi j'ai été. Pour moi, c'est pas Jésus-Christ, c'est Zizou Christ. Zizou Christ. Écoute, reste bien en ligne, hein. On va prendre tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer ce magnifique cadeau. On te fait des gros gros bisous et puis on se dit à bientôt, ok? Ouais, ça marche, à bientôt. Bisous, Pierrot, je t'aime, Pierrot, bisous, bisous. Alors, vous le savez, sur Studek Web, on est sans filtre, on ne vous cache absolument rien. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a inventé le serment d'hypocrite. Et il y a Mehdi, l'animateur du 16-17, qui nous a rejoint. Salut. Bonjour Morgane, bonjour l'équipe. Salut. Salut. Mehdi. Alors, Mehdi. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Studek Web. Julie, Coco et moi-même, on t'a préparé des petites anecdotes. D'accord. Et c'est toi qui vas devoir découvrir si on dit la vérité ou si on est des purs menteurs. Comme hier. Okay. Voilà, comme hier. Parfait. Alors, on va commencer par Julie. Vas-y. Bien sûr. Alors moi, en fait, je vais t'expliquer. Je m'appelle Julie Laura. Mon deuxième prénom, c'est Laura. Okay. Mais pourquoi? En fait, il y a une raison. C'est parce que, si tu veux, ma mère était fan de Johnny Hallyday et de sa chanson On Laura. On hommage à Laura Smet. Voilà. Okay. Donc en fait, elle hésitait entre soit m'appeler Julie, soit Laura. Et au final, du coup, elle s'est dit... C'est sûr qu'elle t'aurait appelé Johnny, ça aurait été gênant. Ça aurait été très bizarre. Du coup, elle s'est dit, je vais le mettre en deuxième prénom. Donc moi, j'ai pas le deuxième prénom de ma grand-mère ou comme en général les gens ont. Voilà, moi, je m'appelle Julie Smet. Laura. Okay. Voilà ma petite anecdote. Et comme la vraie Laura, elle n'a pas non plus l'héritage, bien sûr. Oh. Oui, c'est vrai. Merci, Coco. Moi... Je vais te donner mon anecdote, comme ça, ce sera fait. Alors, moi, tu le sais, je te le dis tous les jours, je suis un peu une casse-cou. Donc, je me casse tout le temps la figure. Et quand j'étais petite, surtout, j'avais 6 ans, je faisais du vélo dans mon quartier. Mm-hmm. Et en fait, je suis allée un peu trop vite dans une descente et je suis tombée. Et en fait, je me suis cassée les deux jambes. Et en fait, tu te casses toujours tout, en fait. Ouais, c'est ma vie. Ma vie est une anecdote, Mehdi. Oui. C'est comme ça que je la présente. Et elle casse tout à tout le monde, hein. Elle me casse les couilles. Elle était facile, celle-là, Coco. Tu me casses les ovaires. maintenant, c'est à Coco. Vas-y. Exactement. Alors, moi, c'est sportif, Mehdi. Ok. Je suis un très grand sportif. Ça m'étonne pas de toi, ouais. En 2011, oui. J'ai été champion de France de ping-pong. Champion de France de ping-pong. Catégorie cadet. C'est bizarre, mais j'y crois pas du tout. Si, ça. Si, j'y crois pas du tout. Champion de France UNSS. Ah, UNSS, il faut préciser, parce que champion de France de ping-pong... Champion de France UNSS de ping-pong en 2012. C'est vrai que, pour décrire aux auditeurs, Quentin est assez carré, sportif, musclé, donc... On se verra après. Surtout du bras. T'inquiète, Mehdi. C'est à mon enveloppe. Non, je rigole. J'ai tendance à dire que, parce que ça me paraît un peu fou, l'histoire de Julie est peut-être vraie, parce que... Il y a des gens qui sont fans, qui peuvent donner des prénoms comme ça d'artistes. Et là, c'est un deuxième prénom, donc c'est totalement plausible. Je pense que c'est toi, et vu que ça paraît fou, ça peut être toi. Alors, accusé, levez-vous. Ah, faut que je me lève. Oui, faut que tu te lèves. Je prends le micro avec moi, vas-y, c'est bon. Alors, les jurés vont prononcer leur sentence. Elle est irrévocable ? Eh ben oui, c'est bon, c'est bien. Ouais, ouais. T'as évité de peu le petit gage. Quel était le gage juste pour le challenge ? Bah non, je te le dis pas, je le garde pour la prochaine fois. Ah, c'est surprise pour demain, du coup. Ah, surprise pour demain. Et promis, on refait pas l'accent marseillais. On évite à tous les auditeurs la cata d'hier. Oh là là, tu es fada. Ah, il a travaillé. Il l'a bossé en plus. Ouais, ah, je l'ai préparé. Allez, on revient demain avec toute l'équipe de 15h à 16h. On parlera concerts, spectacles et surtout à ne pas manquer. On parlera musique pop rock. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur Studek Web. Bah non, et pourquoi on part maintenant ? Bah pourquoi on partirait pas maintenant ? Rester un petit peu ? Mais non, malheureusement, il y a leurs médias là qui arrivent à partir de 16h. J'adore leurs médias, j'en ai ras-le-bol, j'écoute toujours leurs médias dans ma bagnole. Tu sais ce que je t'invite à faire ? De quoi tu vas nous parler, Mehdi, dans ton émission ? Et bah de quoi j'ai parlé ? J'ai parlé plein de choses. Il va y avoir le journal des médias avec notre expert média aujourd'hui, ça sera Chloé Julien. Il va y avoir une année à Elle est belle en plus, Chloé. Je trouve super mignonne quand je la vois des fois dans le studio. Oui, bah après, c'est la radio, donc les jeunes, ça leur parle pas. Mais effectivement, elle est jolie. Il va y avoir aussi une année à média avec une émission mythique qui a plus de 41 ans. On va en parler tout à l'heure, ça va être aux alentours de 16h30. On n'a pas d'infos ? Ouais, on n'a pas de petit indice. Ah bah j'ai dit, elle a plus de 41 ans, elle est mythique, elle est encore à la radio. L'émission radio. Ok, c'est bon, je l'ai. Vous verrez. Voilà, ça sera bah, écoutez, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée en compagnie de Studek Web et surtout de Mehdi. Et puis moi je vous dis à demain. Et puis à demain tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Ciao, salut. dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Les meilleurs tubes sont sur Studek Web. Luis Fonsi et Demi Lovato. Sophie Tucker. Nomads. Et vous ?